Chapitre 17e, le naufrage. Les plus vieux habitants de Tainchel ne se souvenaient pas d'avoir jamais vu pareille tempête. Le vent était terrible, tantôt tourbillonnant dans l'espace avec un bruit sinistre, tantôt s'engouffrant dans les maisons, arrachant les volets de leurs gonds, renversant les cheminées, enlevant les toitures. À peine pouvait-on se tenir debout. C'était pleine lune et sans cette tempête effroyable, on aurait pu se croire en plein jour, tant elle était brillante. Mais des nuages, chassés avec une rapidité vertigineuse, en voilaient presque continuellement la face, projetant sur la terre des ombres opaques, et même, quand elles réapparaissaient, à de rares intervalles, les rafales qui se succédaient sans interruption en obscurcissaient la clarté. Quelques hommes se trouvaient réunis dans la salle du rendez-vous des marins. Ils étaient là en sûreté, sans aucun doute. Cependant, la maison, dont un des côtés regardait la mer, semblait craquer et chanceler sous la force du vent. Richard Ravensburg, calme, ferme, flegmatique comme toujours, servait ses clients sans rien dire. Ravensburg n'avait pas vieilli d'un jour pendant ces 10 années. Son auberge prospérait. Sa conduite avait été aussi irréprochable que la tenue de sa maison, et il s'était efforcé, avec succès, de gagner le respect de Dainchild. S'il avait eu pour but de faire oublier le scandale et les soupçons des anciens jours, il devait être satisfait, car même à la station des gardes-côtes, ce lieu de réunion de tous les incorrigibles bavards du pays, on n'aurait plus de soupçonner qui que ce fût du grand crime dont l'auteur restait toujours inconnu que le propriétaire du rendez-vous des marins. Madame Ravensburg se tenait au comptoir ce soir-là. D'ordinaire, elle passait toutes ses soirées dans l'arrière-boutique qui lui servait de petit salon. Mais la pièce ayant vue sur la mer, Sophie, assourdie par le bruit du vent, l'avait quittée en se bouchant les oreilles. Madame Ravensburg, en dépit de ses élégants bonnets, paraissait avoir beaucoup vieilli. S'il était changé au physique, au moral, c'était toujours la même femme, à la langue bien déliée et aux vives réparties. Dieu ne lui avait accordé qu'un enfant, un garçon, auquel elle faisait donner une excellente éducation et que le collège retenait presque toute l'année loin de Dainchild. Madame Ravensburg ne paraissait pas regretter la parcimonie de la Providence à son égard. Un jour, l'enfant étant malade de la rougeole, quelques voisines crurent devoir plaindre Sophie de n'avoir qu'un fils unique. Elle ouvrit de grands yeux étonnés. « Ah ça !» leur répondit-elle. « Est-ce que vous croyez que ça m'amuserait d'être perpétuellement assujetti au tracas de 2 enfants, de souffrir une seconde fois ce que j'ai souffert pour celui-là et d'amasser de l'argent pour 2, pas si bête ?»« Comment va Cutley ?» demanda en bourrant sa pipe un des consommateurs. Ravensburg, auquel la question était adressée, ne répondit pas. Il venait de servir le pain d'ale et comptait les 6 sous que le consommateur lui avait remis. « Dites donc, patron, savez-vous comment va Cutley ?» répéta l'homme, un nommé Miles, propriétaire d'un bateau de pêche. « Cutley peut être mieux, comme il peut être plus mal !» répondit sèchement, et d'un air peu gracieux M. Ravensburg, comme si ce sujet de conversation ne lui était pas agréable. « Je ne me mêle jamais des affaires qui ne me regardent pas. »« C'est exactement comme moi, » dit Miles avec bonne humeur. « Mais vraiment, patron, ce n'est pas être trop indiscret que de s'enquérir des nouvelles d'un homme à moitié assassiné. Quand je suis parti en mer, il y a 3 jours, on le disait mourant. « Votre bateau a eu pas mal de peine à rentrer, » interrompit un douanier. « J'étais de faction cet après-midi. J'ai cru que vous n'y arriveriez pas. »« De la peine, » répéta Miles, « c'est-à-dire que de ma vie, je ne m'étais trouvé à pareille fête. Ah, quel vent, mes enfants! Ils nous poussaient droit à la côte. Je ne sais pas comment nous avons pu rentrer au port sans être jetés sur les falaises. Personne n'a-t-il entendu parler de Cutley? Cutley va mieux, dit un des hommes, assis près de la cheminée. La police est mêlée de l'affaire. Ils ont accablé Cutley de leurs questions et ont voulu lui faire jurer qu'il avait reconnu Beecher et Tom Long. Mais il a refusé, quoiqu'il soit moralement convaincu de leur présence, à tous deux, dans le tas. Le vieux Beecher est venu à la rescousse et, avec toute l'impudence du monde, a juré que son fils était à la maison, couché au moment de la bagarre. Personne n'a cru au serment du vieux Beecher. Cependant, comme il n'y avait pas de preuves, il a bien fallu en rester là. Miller est toujours furieux. On dit qu'il va devenir aussi sévère qu'il a été doux jusqu'à ce jour. Il a flanqué au nez des Beecher que sans serment ou rien, c'était la même chose et qu'il regrettait le manque de preuves suffisantes. A-t-on pincé le 3e ? Demanda un autre pêcheur. « Il y en avait un 3e, n'est-ce pas ?»« On le dit. Cattley a parlé d'une troisième personne qui surveillait tout, à distance, faisant le guet, sans doute. C'était Drake, alors, s'écria Marles. La contrebande ou le braconnage. Il ne sort pas de là. Je parierais 20 francs que c'était Drake. Vous perdriez, Marles. Le troisième individu était un homme de taille élevée et très maigre. Drake était gros et court. Patron, la patronne vous appelle. C'était en effet Madame Ravensburg qui criait d'une voix effrayée. Richard, Richard! Ravensburg courut à l'arrière-boutique et trouva Sophie debout, une bougie à la main. Richard, je viens du premier étage et je n'ai pas osé y rester une minute. La maison craque comme si elle allait se briser. Il n'y a aucun danger, elle est solide, répondit Ravensburg. Elle a résisté à des tempêtes aussi violentes que celle-ci. Je ne crois pas que nous ayons jamais vu un temps pareil. Écoute le vent. Sophie tremblait de tous ses membres. Ravensburg, qui, quoique souvent un peu bourru, était après tout un excellent mari, la fit asseoir et s'efforça de la rassurer. Quelques instants après, la servante entra. « Il demande encore de l'ail le comptoir, monsieur. Dois-je leur en servir? Il est 11h-2. »« Oh, pour l'amour de Dieu, Richard, laisse-les rester cette nuit aussi longtemps qu'ils voudront, » s'écria Sophie. « Dans le danger, il vaut mieux être en société que seul, et je suis sûr que je n'oserai jamais me coucher. »« Tu n'oseras pas te coucher, » répéta Ravensburg étonné. « Ah ça, Sophie, qu'as-tu en définitive? On dort mieux quand le vent souffle, tu le sais bien. » Oui, mais pas quand il est aussi violent. Et jamais, au grand jamais, il n'a été si terrible depuis que j'habite ici, répondit Sophie, qui avait toujours le dernier mot. Pour ma part, je désire les voir rester dans la salle jusqu'à demain matin. Ravensburg retourna au comptoir et avertit la société qu'11 heures avait sonné. Personne, cependant, ne sembla disposé à quitter la place. Et soit par pitié pour ses pratiques, qu'il eût été en vérité cruel de mettre à la porte au plus fort de la tempête, soit par déférence pour le désir de sa femme, Ravensburg se montra moins rigide qu'à l'ordinaire. L'auberge devait toujours être fermée à 11 heures, et permis qu'on servît encore de la bière. À ce moment entra une nouvelle pratique. C'était Michel, le douanier. Il se débarrassa de son manteau goudronné et s'assit. « Comment? C'est vous, Michel? Est-ce le vent qui vous a poussé jusqu'ici? » lui dit Ravensburg. « Je vous croyais de garde ce soir. » « Impossible de rester en faction cette nuit, monsieur Ravensburg. On ne peut pas se tenir debout. Le vent est donc cause, comme vous dites, que je suis ici. J'ai vu à travers les fentes des volets que vous n'étiez pas encore couché. C'est une terrible nuit. »« Pas de danger qu'un bateau contrebandier aborde ce soir, n'est-ce pas ?» fit en riant un des buveurs. « Le vaisseau fantôme lui-même n'y réussirait pas, » dit Michel. « Alors vous comprenez, tranquille de ce côté-là, et craignant de nous voir rouler du haut des falaises dans la mer, » et de ne plus jamais entendre parler de nous, l'inspecteur nous a dispensé du service. La mer est effroyable. Personne n'a été de service aujourd'hui, même sur la plage. On n'aurait pas pu s'y tenir. La mer nous aurait emportés en un clin d'œil. Et puis c'est si bête, cette manie de mettre des hommes de faction sur la plage quand il y en a déjà sur les falaises. À quoi ça sert-il? Il y a une chose que je crains, ajouta-t-il en baissant la voix. Quoi donc? Il y a, je crois, un vaisseau en détresse. J'ai des yeux comme personne, vous savez, pour voir au loin. Je suis sûr d'en avoir vu un. Et même, j'ai distingué les lumières à bord. Je les montre à Baker tout à l'heure. Il m'a dit que je me trompais. Mais je suis certain que non. Et il était en détresse. Est-ce qu'un vaisseau peut être autrement qu'en détresse par une semblable tempête? Et le malheur, c'est que le vent le pousse droit à la côte. Vous pouvez m'en croire? Si c'est en effet un vaisseau que j'ai vu, il sera cette nuit sur les rochers. Michel s'arrêta tout à coup. En même temps, toute l'assemblée se leva comme un seul homme. On venait d'entendre un bruit vibrant et prolongé. Madame Ravensburg se précipita dans le cabaret. « C'est le canon !» s'écria-t-elle au comble de l'effroi. Si c'était en effet le canon, ses coups se succédaient avec une rapidité et une vivacité inusitées. Jamais canon n'avait tiré de cette façon. « C'est la première fois que nous entendrons ce bruit-là, » disaient quelques-uns des écouteurs étonnés. « Mais oui !» disaient les autres, c'est bien le canon. C'est la grosse cloche du château, bégaya Michel. Oh, je ne me trompe pas. La dernière fois que je l'ai entendue, elle sonnait pour le feu dans les écuries, avant la mort du vieux lord. Qu'est-ce qui peut se passer? Tous quittèrent leur table et sortirent sur la route en regardant du côté du château. Sophie et la fille de comptoir les suivirent, tremblantes de peur. Tous parlaient à la fois, chacun criant plus haut que son voisin pour se faire entendre au milieu des sifflements du vent. si vous vouliez être assez bon pour vous taire un moment, dit Ravensbird d'une voix de stentor. Écoutez, et tâchez d'entendre quelque chose, si le vent et cette cloche vous le permettent. » Tous se turent et prêtèrent attentivement l'oreille. Ils purent alors se rendre compte de la nature du bruit qu'au milieu de leur conversation dans la taverne, ils n'avaient qu'imparfaitement distingué. Un canon d'alarme en mer tirait de minute en minute. « C'est le vaisseau en détresse !» s'écria vivement Michel. « Je savais bien qu'il y en avait un. Il demande du secours et la cloche du château nous avertit, comme c'était l'usage dans les anciens temps. » À ce moment, un des domestiques de Lord Dane fut aperçu, marchant très vite sur la grande route. Ils le reconnurent à sa livrée rouge et blanche. Tous s'élancèrent à sa rencontre par un chemin de traverse et l'entourèrent en lui demandant des nouvelles. « Ne m'arrêtez pas !» cria l'homme. « Je suis à la recherche de Lord Dane. Il y a un grand vaisseau en détresse. Il a l'air d'un vaisseau de la Compagnie des Indes et doit être bondé de passagers revenant en Angleterre. » « C'est bien ce que j'ai dit, » observa Michel. « Comment l'avez-vous aperçu ?» Quelques-uns d'entre nous ont cru entendre en mer des signaux de détresse. Nous sommes alors montés à la chambre de la tourelle et nous avons parfaitement distingué le bateau et la lueur des coups de canon, quoique le vent empêchât d'en entendre le bruit. M. Bruff a fait sonner la grosse cloche d'alarme et m'a envoyé chez Squire Lester à la recherche de Milord. Quelques minutes plus tard, tout ce que Dainchild contenait d'habitants capables de se tenir sur leurs jambes se trouvait sur la plage, attiré par la cloche d'alarme. Le vaisseau, poussé de plus en plus par le vent, se rapprochait sensiblement de la côte, ne cessant pas ses coups de canon. Il était en vue maintenant, et quand les nuages ne cachaient pas la lune, il apparaissait tout à fait distinct. Un vieux marin, dont la vue était encore plus perçante que celle de Michel, prétendait même distinguer son genre de construction et le reconnaître pour américain. Quel qu'il pût être, il n'y avait plus de doute possible, il courait une perte certaine. Il se trouvait en ce moment un peu à la gauche des spectateurs et devait, selon toutes les probabilités, être jeté à la côte au-delà du village de Dainchild, juste en face du château. La tempête était à son apogée. Le vent sifflant et hurlant, les vagues s'élevant en montagnes énormes avec des mugissements rauques. Le malheureux bâtiment craquait de toutes parts. Oh, quelle scène à bord! Ah, si ce coq en danger ne menaçait à terre frémissait d'horreur à la vue du déchaînement de la tempête, que devaient donc éprouver les infortunés qui étaient en son pouvoir? Il semblait qu'on entendît de la plage leur cri de désespoir. Quelle inexprimable confusion sur le vaisseau! Quel découragement, quelle détresse, quelle épouvante! Pour tous, la dernière heure avait sonné, l'éternité allait commencer, et combien n'étaient pas préparés à y entrer? Deux gentlemen, se donnant le bras, arrivèrent sur la plage, et chacun se rangea pour leur faire place. Lord Dane et M. Lester. Bonté divine, mais il est presque à la côte, s'écria Lord Dane terrifié. Dans une demi-heure, my lord, il sera sur les rochers, répondit un des spectateurs. Grand Dieu, comme il va la dérive! C'est effrayant de vitesse. Mes braves, dit M. Lester, en s'adressant plus particulièrement aux marins et aux pêcheurs qui formaient un groupe à quelques pas plus loin, n'y a-t-il rien à faire? D'une voix unanime, tous répondirent tout bas. Rien. S'il se trouve parmi eux quelques vigoureux nageurs qui se dévouent à se jeter à l'eau et essayent de gagner terre avec une corde autour de la ceinture, c'est leur seule chance de salut, dit un vieux marin. Et encore, je ne crois pas qu'ils réussiraient. Les vagues l'emporteraient longtemps avant qu'il pût arriver. Mais nous avons le bateau de sauvetage, cria Lord Dane. Ils secouèrent tous la tête d'un air incrédule. Aucun bateau de sauvetage ne tiendrait par une mer comme celle-ci. Jamais, peut-être, il n'avait été témoin d'un tel spectacle d'agonie prolongée et sans espoir. À trois reprises, un feu de lueur bleuâtre fut allumé sur le vaisseau, l'éclairant tout entier plus distinctement que la lune, et l'on vit, en pleine lumière, tous ces malheureux se pressant sur le pont, les mains tendues vers le rivage, vers ceux qui, hélas, ne pouvaient leur porter secours. Le vaisseau s'avançait toujours, lentement, mais fatalement. Le temps s'écoulait. Le dénouement était proche. Chose singulière, maintenant que la mort était inévitable, les cris de désespoir avaient cessé à bord. Tout à coup, la quille frappa contre les rochers. La mer envahit le pont avec une violence inouïe. On entendit alors des cris perçants au-dessus des flots, puis un bruit de lutte désespérée, des gémissements étouffés. « Il s'en bat en morceaux! Il s'en bat en morceaux !» s'écria-t-on de la plage. « Et rien au monde ne peut les sauver, mon Dieu, mon Dieu !» Quelques femmes tombèrent à genoux près de Lord Dane, et se mirent à prier. À ce moment, un homme arriva en courant et sans cérémonie se fraya brusquement un passage à travers la foule. C'était Wilfrid Lester. Il portait encore ses habits de chasse comme au moment de sa rencontre avec Maria dans la soirée. S'appuyant du coude sur la balustrade de la petite jetée, il contempla pendant quelques instants le vaisseau naufragé. « Montée du ciel !» murmura-t-il. « Mais il s'est brisé contre les rochers. Il y a 5 minutes. « Qu'est-ce que je vois là-bas, dans l'eau ? » demanda-t-il après un moment. « Des malheureux qui se noient. » La première vague les a jetés par-dessus bord. « Comment ? Des malheureux qui se noient ?» répéta-t-il d'une voix indignée. « Et vous ne tentez pas de leur porter secours ? Êtes-vous fous ou n'êtes-vous que des lâches ?» Quelqu'un à côté de lui étendit la main vers la mer en fureur. « Voilà qui vous répond. » « Ce n'est pas là une réponse, » dit Wilfrid Lester. « Où est le bateau de sauvetage ?» Il s'était, dans son indignation, retourné vers ceux qui l'entouraient. M. Lester n'avait pas vu son fils depuis longtemps. Il se recula vivement, comme pour ne pas se trouver en contact avec lui, et se perdit dans la foule. Lord Dane, au contraire, s'avança et posa la main sur le bras du jeune homme. « Vous êtes excité, Lester, » dit-il avec calme. « Je reconnais que ce spectacle est plus que suffisant pour émouvoir le cœur de l'homme le plus indifférent. Mais il n'y a malheureusement rien à faire. Autant vaudrait parler d'un ballon que du canot de sauvetage. L'un n'approcherait pas plus du vaisseau que l'autre. On peut toujours essayer, » répliqua Wilfrid d'un ton irrité. « Oui, on peut essayer, je vous le répète. Et sacrifier la vie de ceux qui tenteront l'effort, n'est-ce pas ?» dit Lord Dane. Wilfrid Lester dédaigna de discuter davantage et se tourna vers un groupe de pêcheurs. Il les connaissait tous, son enfance s'était passée parmi eux. « Milgand, où est le canot de sauvetage ?» demanda-t-il un vieux loup de mer, âgé au moins de 60 ans, en jugé par les rides de son visage. « Est-il prêt ?» Bill Gand montra du doigt une petite crique à moitié cachée par un pli de terrain à quelque distance. Bill Gand ne parlait jamais beaucoup. « Je l'ai préparé quand la cloche du château a sonné, maître Wilfrid, » répondit-il. « Et pourquoi ne vous en êtes-vous pas servi ?» dit Wilfrid d'un air de commandement. « Je n'oserais pas, monsieur, et la mer est plus mauvaise maintenant qu'alors, si c'est possible. » « Vous n'oseriez pas !» répéta dédaigneusement Wilfrid Lester, dont la fureur, comme celle des flots, semblait augmenter. « Je n'avais jamais cru, jusqu'à ce moment, qu'un marin anglais pût être un lâche. Je ne savais pas que je n'oserais pas fût-ce des mots anglais. Je vais monter dans le bateau de sauvetage. S'il en est un ou deux parmi vous qui soient capables de vaincre leur peur, qu'ils viennent avec moi. Sinon, j'irai seul. » Il se retournait pour s'élancer vers la crique, quand 50 voix les crièrent, « C'est tout bonnement de la folie, monsieur Wilfrid. Voulez-vous donc vous tuer ? Vous et le bateau, vous serez engloutis en un instant. »« Eh bien, nous serons engloutis, » répondit Wilfrid. « Voyez-vous là-bas » ajouta-t-il en étendant la main de la direction du vaisseau. « Quand les existences de malheureuses créatures humaines sont en péril, quand vous voyez tous ces pauvres gens lutter contre les flots sans pitié, vous hésiteriez à essayer de les sauver, vous, des marins ? Allons, mes braves, suivez-moi, s'il y en a parmi vous qui méritent ce nom. » Comme l'exemple est contagieux, comme la vraie confiance donne du cœur, quel aiguillon que la crainte du ridicule. Quelques braves gens, électrisés par ces paroles de Wilfrid, déclarèrent être prêts à le suivre dans le bateau. Presque tout le monde se dirigea bientôt vers la crique. Wilfrid avait les jambes longues et les pieds agiles. Il était déjà occupé à détacher le canot quand on le rejoignit. Une voix cria que si décidément il fallait prendre la mer, M. Wilfrid ne devait pas faire partie de l'expédition puisqu'il n'était pas marin. « Qui dit cela ?» demanda Wilfrid en se retournant, pâle comme un mort, mais résolu. « Moi !» fit le vieux Bill Gand. « À quoi pensez-vous donc cette nuit, Bill Gand ? Vous n'êtes pas vous-même. Comment ? Je pousserai les autres à courir un danger que je n'oserais pas affronter moi-même. « Maître Wilfrid, vous n'arriverez pas vivant au vaisseau, » s'écria Bill Gand. « Encore moins en reviendrez-vous, ni vous, ni le bateau, ni personne. » « C'est possible, mais je pense qu'on peut espérer un meilleur résultat. Notre cause est bonne, Dieu sera avec nous. » Ces derniers mots produisirent leur effet. Personne plus que les marins n'a confiance dans la miséricorde de Dieu, une confiance absolue, naïve, presque enfantine. Tous se présentèrent en même temps pour monter dans l'embarcation. C'est à qui passerait le premier. « Cette expédition est mienne, » dit Wilfrid Lester de cette voix de commandement, « que donne quelquefois l'imminence du danger, car sans moi, aucun de vous ne l'aurait tenté. Accordez-moi donc le privilège de choisir mon équipage. Bill Gand, voulez-vous être des nôtres, oui ou non ?»« Oui, » répondit le vieux matelot, « quand ce ne serait que pour veiller sur vous. Ma femme est dans le cimetière de l'église. Mes deux fils sont au fond de l'eau. Au moins, moi, je ne manquerai à personne. » Les autres furent bientôt choisis et sautèrent dans le canot. Wilfrid allait les suivre quand quelqu'un, s'avançant rapidement, se plaça devant lui. « Et si je vous demandais de ne pas exposer votre vie, Wilfrid ?» C'était M. Lester. Wilfrid hésita un instant avant de répondre. « Aucune considération ne me fera reculer. Néanmoins, je vous remercie. Je vous remercie du fond de mon cœur de votre bon mouvement. Père, c'est peut-être la dernière fois que nous nous voyons. Ne nous donnerons-nous pas la main ? Si je meurs, ne me regrettez pas, car je vous le dis sincèrement, la vie n'a plus aucun prix pour moi. » M. Lester serra en silence la main qui lui tendait, plus profondément ému qu'on aurait pu le croire. Wilfrid sauta dans le bateau de sauvetage et le périlleux voyage commença. Quel spectacle ! Là-bas, le vaisseau perdu et sa malheureuse cargaison d'êtres vivants qu'une mort certaine attendait. Ici, le canot lancé dans sa folle aventure, luttant contre le vent contraire qui le frappait en plein à l'avant, tantôt lancé jusqu'au sommet des vagues, tantôt disparaissant entièrement sous elle, sans cesser un instant ses efforts désespérés pour se rapprocher de son but. Là, les visages anxieux des spectateurs sur la plage, suivant, haletants et silencieux, les progrès de l'embarcation et jetant des coups d'œil d'angoisse sur les malheureux qui se débattaient contre les flots pour mesurer la distance qui les séparait encore de leur sauveur. La lueur blafarde de la lune, à moitié cachée par les nuages que le vent chassait rapidement, éclairait toute la scène. On entendait toujours le faible tintement d'une cloche sur le vaisseau, pendant que, par intervalle, le bourdon du château sonnait à toute volée. Réussirait-il ? Wilgand, le plus vieux de tous, déclarait que de sa vie, il n'avait eu à lutter contre une tempête plus effroyable, contre une mer plus furieuse. Le mystère, pour Bill, et ce fut pour lui un mystère pendant le restant de sa vie, c'était qu'ils pussent même lutter. Et à chaque minute, comme le canot, malgré leurs efforts surhumains, perdait en un instant tout le terrain si péniblement gagné, ils s'attendaient à être engloutis. Tous, Wilfrid lui-même, croyaient leur dernier moment arrivé. Comment auraient-ils pu échapper ? Il aurait fallu un miracle pour les sauver. Et quand, plus tard, tous ces braves gens cherchaient à s'expliquer leur réussite, ils se répétaient les paroles de Wilfrid sur le rivage. « Notre cause est bonne, Dieu sera avec nous. » Ils ne devaient cependant pas arriver jusqu'au vaisseau. Des malheureux, jetés par-dessus le bord, à moitié noyés, luttant encore contre les vagues, firent, en apercevant le canot, des efforts désespérés pour s'y accrocher. On recueillit ce qu'on put saisir, en petit nombre hélas, car les difficultés du sauvetage étaient pour ainsi dire insurmontables, et le canot n'aurait pas résisté à une trop lourde charge. C'était, après tout, un très petit bateau, et ses rameurs suffisaient presque à le remplir. Dainchel, depuis longtemps, se plaignit hautement de son insuffisance, mais il était plus aisé de se plaindre que d'en obtenir à nouveau. Force fut donc à Wilfrid de donner le signal du retour. Il cria quelques paroles d'espérance aux naufragés, paroles que le vent probablement les empêcha d'entendre, et le canot se dirigea vers la plage. Le retour fut moins pénible, ils avaient le vent pour eux, mais non moins dangereux. Quelques-uns des rameurs, quoique forts, vigoureux et durs à la besogne, sentaient leur force les abandonner. Ils ne croyaient pas pouvoir aller jusqu'au bout. Wilfrid Lester ne cessait de les exciter, relevant leur courage, leur redonnant presque des forces physiques. Sans lui, à plusieurs reprises, ils auraient renoncé à la lutte, même avant les premiers coups d'aviron, au départ. « Allons, un peu de nerfs, mes enfants » criait-il. « Ne vous laissez pas abattre. Bilgand et moi, nous sommes encore assez solides pour un second voyage. Nous vous laisserons à terre reprendre des forces. D'autres vous remplaceront. Quand vous serez reposés, eh bien, vous viendrez avec nous à la troisième fois. Je ne sais combien il nous faudra de voyages pour les sauver tous. » Un des naufragés se souleva pour lui répondre. Apparemment le seul, qui eut encore la force de parler. Les autres étaient étendus ou épuisés ou blessés au fond du bateau. C'était un marin, blond, maigre, bien bâti, et ne paraissant nullement se ressentir de sa quasi-noyade. « Ça demanderait quelques voyages, maître, mais vous n'aurez jamais le temps d'en faire un troisième, si vous parvenez à faire le second. Le vaisseau va se fendre par le milieu. » « Se fendre par le milieu ? » ?»« À ce qu'a dit le capitaine, et il a raison, je crois. Nous avons donné contre un rocher. Nous entendions le bâtiment s'y broyer et craquer d'une horrible façon. » « D'où vient-il ? » ?»« De New York, bateau de passagers. Depuis le départ, le voyage avait été splendide. Et voilà comme il finit. Un beau bateau, entièrement neuf, 1100 tonneaux. Il s'appelle le Vent. Je n'aimais pas ce nom-là, pour ma part. un grand nombre de passagers, 40 ou 50, une demi-douzaine de première classe, le reste de seconde. Tout cela avait été dit à bâtons rompus à de longs intervalles, et quand les hurlements de la tempête et les soubresauts du canot le permettaient. La conversation resta là, car l'attention et l'énergie de chacun étaient nécessaires si l'on voulait arriver sain et sauf au rivage. Quand enfin ils abordèrent, un murmure de joie et de reconnaissance les accueillit, et les applaudissements auraient éclaté si l'on ne s'était souvenu de tous ceux que ces braves gens avaient dû abandonner à une mort certaine. Quand Wilfrid Lester sauta à terre, pâle de fatigue, ruisselant d'eau, il s'attendait peut-être à voir son père lui tendre la main, à l'entendre lui adresser quelques bonnes paroles. Si telle était son espérance, elle devait être déçue. M. Lester se trouvait encore là, mais il resta à l'écart, ne paraissant pas même se douter de la présence de Wilfrid. À côté de lui se tenait sa femme. Lady Adélaïde, poussée par sa curiosité féminine et bravant la tempête, avait voulu elle aussi assister à ce sinistre spectacle. Était-ce la crainte de lui déplaire qui empêchait M. Lester de s'approcher de son fils, ou se repentait-il déjà de son mouvement généreux de tout à l'heure? Wilfrid aperçut sa belle-mère, mais il était trop affairé pour se préoccuper d'elle. Il s'agissait maintenant de transporter les naufragés du canot à terre. Wilfrid semblait s'occuper d'eux avec un soin jaloux. On aurait dit qu'il les considérait comme sa chose. Tout à coup, il se retourna vers la foule et de ce ton de commandement qu'il avait pris dès le début de l'expédition. « Avez-vous pensé à préparer des lits bien chauds et de bon feu? Autrement, autant aurait-vous laisser ces malheureuses créatures au fond de l'eau ?» Richard Ravensburg fut le premier à répondre. « Je puis en recevoir deux ou trois, » dit-il en fendant la foule. « Ma femme est à la maison en train de tout préparer. Je n'ai rien pu faire pour les sauver, mais je puis au moins leur donner un abri. Il y a une voiture ici, et Jessop va amener l'omnibus. » Lord Ayn offrit à son tour le château et le mit à l'entière disposition des naufragés. Mais le château était trop éloigné de la plage pour qu'il fût possible d'y transporter sans danger des hommes à moitié noyés. L'un d'eux se souleva péniblement du fond du bateau. Il semblait âgé. Ses longs cheveux humides, collés sur son visage, brillaient comme des fils d'argent à la lueur de la lune. Il n'était vêtu que d'une chemise et d'un caleçon. « Sur quelle partie de la côte avons-nous été jetés ? » demanda-t-il. « Où sommes-nous ici ? À Danesheld. »« Oh, ma tête ! » fit-il d'une voix plaintive. « Je suis glacé. »« Ah, je vous en prie, un châle pour ma tête. » Les châles étaient rares sur la plage, mais un des assistants ôta son manteau, et on en couvrit le pauvre homme, qui d'une main faible s'efforça de le remonter jusqu'à sa tête, et s'y cacha le visage pour le mettre à l'abri du vent. Un autre naufragé, un jeune homme, complètement vêtu lui, comme s'il eût été précipité à la mer, sans avoir le temps de s'alléger de ses habits, se hâta d'aider le vieillard, dont il semblait prendre un soin tout particulier, soit qu'il fût son domestique, soit qu'il fût son ami, ou peut-être même une simple connaissance de bord. Tous deux étaient des passagers, non des marins. « Je serais heureux de le voir transporté à une auberge convenable, dit le jeune homme, s'il y en a une près d'ici. La mienne est à deux pas, dit Ravensburg. Nous ferons pour lui de notre mieux. » La voiture s'approcha le plus près possible du canot et le vieillard y fut déposé. Au moment où le jeune naufragé se disposait à le suivre, il saisit avec effusion la main de Wilfrid Lester. « Après Dieu, c'est à vous que nous donnerons la vie. J'espère pouvoir vous remercier un jour mieux que je ne le fais en ce moment. » Sa voix disait sa condition. Un gentleman, à coup sûr. Le ton remarquablement agréable, l'accent d'une grande pureté. Un troisième naufragé monta aussi dans la voiture, un matelot, celui-là, dont la tête était à moitié fendue et l'on partit pour le rendez-vous des marins où Ravensburg avait déjà couru tout préparé. Wilfrid Lester s'occupait de réunir ses hommes pour le second voyage. Le vieux Bilgand en était. « Pas vous, Dick, » s'écria Wilfrid en repoussant de la main un des pêcheurs. « Je ne veux pas de vous. »« Et pourquoi, dit l'homme, je suis assez fort. Je n'ai jamais été plus vigoureux que depuis ma maladie de cet été. » « Vigoureux, oui peut-être, mais Wilfrid Lester pensait à une autre raison. L'homme avait une femme et sept jeunes enfants. « Je ne veux pas de vous, vous dis-je. Allons, retirez-vous, Dick, nous n'avons pas de temps à perdre. » À peine Wilfrid avait-il prononcé ces derniers mots, qu'une immense clameur arriva jusqu'à la plage. C'était comme un seul cri qu'aurait poussé en même temps des poitrines humaines, non pas un cri de désespoir ni même de frayeur, mais plutôt un cri de saisissement et de surprise. « Qu'est-ce donc ?» demanda la foule. Tous regardèrent dans la direction du vaisseau. Il venait de se fendre en deux et coulait bas. Au bateau de sauvetage! Au bateau de sauvetage! » cria-t-on sur la plage. Un second voyage, et l'on pourrait peut-être sauver encore quelques-uns de ces malheureux que la mer venait de saisir. Mais hélas, avant qu'on ne eût le temps d'en entreprendre un troisième, combien d'entre eux auraient succombé? Le canot repartit au milieu des applaudissements de la foule. Il ne put recueillir qu'un seul naufragé. Au moment d'atteindre au but, il fut enlevé par une énorme vague, rejeté violemment en arrière, et c'est par miracle qu'il ne fut pas englouti. Quand, après des efforts désespérés, il parvint enfin à enser de nouveau, il n'y avait plus d'âme à sauver. Les flots avaient englouti leur proie. Quel était donc le secret de ce calme soudain qui semblait s'être fait sur le vaisseau dans les derniers moments? Pourquoi l'apaisement et le silence avaient-ils tout à coup succédé aux cris d'effroi, aux hurlements de désespoir? N'était-ce pas étrange? Bien des passagers à bord avaient conscience cependant de ne pas avoir bien vécu. Quelques-uns même d'être les pires des pêcheurs, et bien peu hélas, étaient préparés à paraître devant Dieu. D'où venait donc cette résignation? Quel pouvait en être le secret? Un ministre protestant se trouvait parmi les passagers. Quand tout espoir fut perdu, qu'aucun effort ne fut plus possible, quand on eut la preuve que rien ne pouvait arracher le vaisseau à la fureur des éléments, alors la tâche de cet homme de bien commença, et tous s'assemblèrent autour de lui dans la grande cabine. Il leur parla de la miséricorde de Dieu, même à cette heure dernière. Il leur dit que tant qu'ils auraient une minute à vivre, Dieu la leur donnait pour se repentir. Il leur rappela le pardon au bon larron sur la croix. Il leur rappela avec quelle bonté Jésus-Christ, sur la terre, accueillait tous ceux qui venaient à lui, sans leur demander pourquoi ils ne s'étaient pas repentis auparavant, ouvrant d'autant plus son cœur qu'on n'était plus coupable, quel que fût le passé et le fardeau de la conscience. « Oh, tournez-vous vers lui avec toute votre âme !» continua le pasteur. « Jetez-vous dans ses bras avec la foi simple et naïve de l'enfance, et avant que vous n'ayez appelé, il aura déjà entendu. Avant que vous n'ayez parlé, il aura déjà répondu. C'est Jésus, votre Rédempteur, votre Sauveur. Allez tous à lui. Il vous donne une occasion de revenir à lui avant que vous vous trouviez face à face avec Dieu dans l'éternité. Il écoutera votre prière, il vous consolera, et vous vivrez avec lui dans la paix du ciel et à jamais. » Pendant qu'ils écoutaient ces paroles du ministre de Dieu, dites avec une conviction calme et pénétrante, une sensation étrange de paix et de sécurité envahissait leur cœur. Il semblait à tous ces malheureux que c'était Dieu lui-même qu'ils entendaient et qu'ils allaient entrer dans la félicité éternelle. Ainsi s'achève le tome premier du sermon de Lady Adélaïde par Mrs. Henry Wood.